jour la nous vin rencontrer. Tu as moi été prisonnier. Tout ça moi imaginé. C'est un jour la moi trouvé. Malgré ça moi espéré. Pour nous faire la vie à des. Sans même en réaliser. L'amour nous déjà brisé. Pour moi paix ça retrouvé. Passe à pays qui est trop tard. Que ça pas facile, que l'homme nous en péril. C'est pour ça faut moins pâtir. Ferme la porte là sans faire bruit. Le soleil là que levé, non. Arrêtez là qu'à chercher. En que j'arrive bien loin, non fait que jamais retourne. Moi fait que ça oublié. Chanter. Moi qui toujours regretté. Sans jamais.